L'actualité à Nancy et ailleurs. Soirée inédite à Nancy le vendredi 10 novembre, organisée par l'association APACA, Association pour la promotion des arts et créations artistiques, une soirée sur la question du réchauffement climatique. Stéphanie Muel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association APACA, une soirée inédite car lors de cette soirée, musique classique et science vont se mêler, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, nous relayons un concept international qui est une initiative d'une compositrice, une pianiste qui s'appelle Lola Perrin, une londonienne. Et le but est donc d'associer musique classique et la science durant la COP23 pour débattre sur le réchauffement climatique. Une première à Nancy, ce sera donc le vendredi 9 novembre, salle Regraffe, je ne l'avais pas précisé, au 13 oui. bis rue des Ponts. Comment va se passer cette soirée? Alors cette soirée va débuter par un récital. Ensuite, il y aura une conférence et débat avec le public. Et tout ça avec des moments musicaux, donc avec Beethoven, Franz Liszt, avec une programmation qui est basée sur justement l'environnement, en harmonie vraiment avec le cœur de la conférence. On voulait s'adresser au plus large public possible, et donc chacun pourra écouter, échanger et aussi se laisser transporter par la musique. L'accompagnement musical sera assuré par Axel Lénarduzzi. C'est ça? Oui, c'est un pianiste concertiste international. Donc, il nous a rejoint dans ce format, en fait. Et il y aura aussi Marc Deschamps, qui est géologue, conférencier et président de l'Université de la culture permanente de Nancy. Donc, c'est lui qui assurera le côté conférence. Mais le public est invité, bien sûr, à participer. Il y aura débat aussi? Oui, voilà. Il y aura un lancement de la soirée par un court récital. Ensuite, il y aura conférence et débat avec le public et avec des pauses musicales, donc par Axel Lénarduzzi. Alors, c'est le vendredi 10 novembre à 19h30. Un mot maintenant peut-être sur l'association, pour la connaître un peu plus. L'association, donc, pour la promotion des arts et créations artistiques. Quelles sont vos autres actions au cours de l'année? Alors, déjà, c'est une association qui est tout à fait récente, puisque nous l'avons créée en avril dernier, par 8 passionnés de culture d'une manière générale. Et nous offrons donc des événements de toute nature, en fait. Nous avons au sein de l'association un comédien, Vincent Colmont, une créatrice de mode. Donc, en fait, les événements sont assez riches et variés. Et nous sortons d'un événement, par exemple, sur la communication animale. Donc, il y a eu une conférence récemment aussi à l'AXOUF, notre marque de fabrique, c'est vraiment la culture en général. Qu'est-ce que vous diriez pour donner envie aux gens de venir à votre rencontre et assister, bien sûr, et participer à cette soirée Climate Keys à Nancy ce vendredi 10 novembre? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Mais écoutez, je leur dis, venez écouter, échanger et laissez-vous transporter par la musique. Car là, c'est vraiment, on parle du réchauffement climatique, c'est un sujet à la fois grave et peut-être pas si grave que ça, mais au moins en débattre et comprendre vraiment ce qu'est le réchauffement climatique dans un format culturel avec musique, échange. Donc voilà, une soirée assez riche. Il faut réserver pour cette soirée? Oui, donc il faut réserver, la billetterie est d'ailleurs ouverte. Je précise le tarif, donc le tarif plein est à 10 euros. Pour les adhérents de l'association, il est à 7 euros et une gratuité pour les moins de 16 ans avec des places limitées. Et donc, vous pouvez réserver par email. Donc, c'est APACA, donc APACA@outlook.fr ou par téléphone au 06 61 14 77 71. Très bien, Stéphanie Muel, voilà. Merci beaucoup. Ben merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.